بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 25 بعد المئة 125 لسون في السؤال 49 و1000 1049 question قال ما هي الشجرة التي مثلها مثل مسلم لا يسقط ورقها quel est maintenant cet arbre qui a l'image du muslim dont les feuilles ne tombent pas il s'agit de un akhla, le palmier comme dans le hadith d'Ibn Omar radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'il y a parmi les arbres un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui est comme le muslim à l'image du muslim et après il a dit à ses compagnons quel est-il et de là les gens c'était différents arbres et dans l'assise il y avait Abu Bakr il y avait Omar. Et nul n'a trouvé la réponse si ce n'est Ibn Omar qui a eu la réponse en lui, mais qui n'a pas osé le dire à cause de la présence des grands. Et lorsque son père a entendu cela de lui, que son fils lui a dit, Ya Abi, je connaissais la réponse, il lui a dit que tu répondes, cela aurait été plus ému auprès de moi que la dounia qu'elle contient. C'est-à-dire qu'il aurait été très fier de cela. Ce qui prouve déjà également que ce n'est pas forcément le plus savant qui a forcément tout le temps raison. Naam. Soma qala fi soula khamsin wa alf. 1050e question. Aina yabitu al-shaytan ma'a l'insan. Maintenant, le shaytan, où est-ce qu'il dort par rapport à l'homme? Ala khayshoumihi. C'est-à-dire dans les. Ce qu'on appelle dans le nez, en fait. La cavité nasale. D'accord? Cavité nasale. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala yistaykaza ahadukum min manamihi fayatawadda, falyastansir salasan fayna shaytan yabitu ala khayshoumihi. Muttafakun alayhi. Qu'il a dit Nabi Sallam, que l'un d'entre vous se réveille, d'accord? S'il se réveille, alors qu'il fasse l'eau d'eau et qu'il inspire et rejette l'eau de son nez trois fois. Car Shaitan a même passé la nuit dans son nez. Et ça, c'est valable pour le sommeil de nuit. Quand il a dit Yabit ou Al-Beytouta, ce qu'on appelle Beytouta, c'est le sommeil de nuit, nocturne. Donc, ça, c'est une chose pour faire sortir Shaitan de notre nez. On fait l'istinsar salasan. Donc, imaginez qu'en est-il de celui qui ne fait jamais l'eau d'eau, qui ne fait pas la salate. Qu'est-ce qui se passe pour lui? ثم قال في السؤال الواحد وخمسين وألف 1050e question. ما هو أول بيت وضع للناس؟ Quelle est la première maison qui a été accordée aux hommes? Et là, il veut dire quoi? Masjid, en fait. Le premier masjid qui a été donné aux hommes. Et c'est Al-Bayt al-Haram bi Mekka. Ce qu'on appelle le masjid al-Haram qui est à Mekka. والدليل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين que c'est la première maison qui a été posée pour les hommes c'est celle qui a Bekka et Bekka en fait c'est Mekka dans le Coran c'est une Bekka avec un ba مباركا est une guidée pour l'univers Al-Imran verset 96 ثم قال في السؤال 1053e question ما هي المساجد الثلاثة quelles sont les trois messages, les trois mosquées c'est-à-dire, lorsqu'on dit ces trois mosquées en islam, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Car il y a plein de masajid, il y en a plein, mais les trois, en particulier, quels sont-ils? C'est Al-Masjid al-Haram, qui est à Mecca, celui qui est à Al-Medina, celui du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Masjid al-Aqsa, celui qui est en Palestine, fil Bayt al-Maqdis. Ce sont les trois masjids, comme a déjà fait le hadith Abi Huraira, quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « La tushaddu al-rihal illa thalath masajid »« Masjid al-Hada »« Masjid al-Haram »« Masjid al-Aqsa » Il a dit qu'il n'est pas permis de faire un voyage en vue d'aller visiter un masjid dans le monde, si ce n'est pour trois masajid. Trois, qui sont celui qui est à Mecca, celui qui est à Medina, et celui qui est à Bayt al-Maqdis, en Palestine. Ces trois-là seulement, on a le droit de faire un voyage en vue de visiter ce masjid en lui-même. D'accord? Non, sinon ce n'est pas permis. Thumma qala fi as-su'al al-rabi' wa khamsin wa alf. 1054e question. Ma arvam yom fil usbour. Quel est le jour le plus important de la semaine? Qala yom al-jumu'a. C'est le jour du vendredi. Les hadiths Abi Huraira. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Qala khayru yom tala'at alayhi shams yom al-jumu'a. Fihi khulika Adam wa fihi utkhila al-janna wa fihi ukhrija minha. Rao Muslim. Qui a dit que le meilleur jour lors duquel s'est levé le soleil, c'est le jour du vendredi. C'est ce jour-là que Adam a été créé. C'est ce jour-là qu'il a été rentré au Jannah, au paradis. Après qu'il y a une divergence, que c'est le paradis qui est dans les cieux ou un paradis qui est sur terre. Parce qu'à la base, Jannah, ce n'est pas paradis en réalité. Jannah, c'est un jardin. Un Jannah en arabe, ça veut dire un jardin. Et non pas un paradis, comme nous on le dit en français. Mais en français, c'est l'équivalent. Et c'est également ce jour-là dont il s'est fait sortir du paradis. Enfin, plutôt du Jannah. un vendredi. Et c'est également un vendredi qu'aura lieu, qu'aura le, l'heure. Elle viendra un vendredi. Naam. ثم قال في السؤال الخامس وخمسين وألف 1055e question. ما هو أطيب الطيب؟ Quel est le meilleur des parfums? Il s'agit du misk, ce qu'on appelle le misk. Comme dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle le misk أطيب الطيب. Que le misk est le meilleur des parfums, apporté par muslim. Et le meilleur des misks, c'est celui qui est pris de la gazelle. Et également celui qui est pris de l'ambre. Qui est l'ambre, c'est le on va dire comme le vomi de la baleine. Il coûte très très cher ces parfums-là. Très très rares. Et sont les meilleurs des parfums. Non. ثم قال في السؤال السادس وخمسين وألف 1056e question. اذكر أعياد المسلمين. Cite quels sont les jours de fête des musulmans. Donc en premier lieu, il y a عيد الأضحى والفطر. C'est-à-dire عيد الأضحى, c'est le عيد qui a le عيد الأكبر, celui où on égorge. Et عيد الفطر, celui qui a pris Ramadan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما قديم المدينة ولهم يوما يلعبون فيه أو فيهما. فقال ما هذا اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. في النبي صلى الله عليه وسلم في لعباء المدينة للصحابة avaient deux jours durant lesquels ils jouaient, ils s'amusaient. Donc ils interrogeaient à propos de ces jours-là. Ils lui ont dit, ce sont des jours dans lesquels on jouait dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Il a dit que Allah vous a remplacé ces deux jours-là par deux meilleurs, qui sont le jour de les deux Eid, le Eid al-Adha et le Eid al-Fitr. Donc ça veut dire que ces deux Eid-là ont aboli tout ce qu'il y avait auparavant, comme fête. D'accord ? Donc tout ce qui est fête qu'on voit aujourd'hui, comme fête de la mère, fête de l'amour, fête de kaza, tout ça n'existe pas, c'est de la jahiliya. L'islam est venu avec deux fêtes particulières, plus d'autres qui vont être citées actuellement. Il y a également le jour du vendredi, qui était appelé Yom al-Eid, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, qui a dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Inna hadha yom al-Eid, ja'alahu Allah lil muslimin, fa man ja'a lil jumu'ah falyahtasil. » Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Que le jumu'ah, c'est un jour qui a été considéré comme un jour de Eid par Allah azza wa jal. Donc celui qui vient assister à cette salat, qu'il se lave. Et également, il y a Ayyam Tashriq, les trois jours qui suivent le jour du Eid al-Adha. Ce sont également des jours du Eid. Dans le dalil du hadith de Mubaysha al-Hudali, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل والشرب وذكر لله عز وجل. Qu'il a dit que les jours de tashriq sont les jours de boisson et de manger, de boire et de manger et du rappel d'Allah, l'évocation d'Allah عز وجل, apporté par muslim. Dans un hadith, il a dit également يوم عرفات ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام فهي أيام أكل والشرب. Qu'il a dit que le jour de عرفات et le jour de Adha, le jour où on égorge, et le jour de Tashriq, ce sont nos jours de fête, nous les gens de l'islam. Et ce sont des jours de nourriture et de boisson. Naam. Fahadha al-lazi radna al-yom, donc même Arafat est un jour de fête, qu'on appelle Yom al-Eid. C'est basé sur ce texte-là. Mais les deux jours de Eid les plus connus, c'est Al-Adha ou Al-Fitr. Naam. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Wa nakul alhamdulillah. Alhamdulillah.